ça qui tourne dans ta tête. Bouge de les oreilles, ou à toi ou pire. Nous on aime ça. Ça va et toi. Mais ça serait clair.